Chapitre 41 Des essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 41 De ne communiquer sa gloire. De toutes les rêveries du monde, la plus reçue et plus universelle est le soin de la réputation et de la gloire, que nous épousons jusqu'à quitter les richesses, le repos, la vie et la santé, qui sont bien effectuels et substantiaux pour suivre cette vaine image et cette simple voie qui n'a ni corps ni prise. La fama, qui invaghisce a un dolce suono voi superbi mortali, è par si bella, e un eco, un sogno, anzi del sogno un'ombra, ch'ad ogni vento si dilegua e sgombra. E des humeurs déraisonnables des hommes, il semble que les philosophes même se défassent plus tard et plus envie de celle-ci que de nulle autre. C'est la plus revêche et opiniâtre. Quia etiam bene proficientes animos tentare non cessat. Il n'en est guère de laquelle la raison accuse si clairement la vanité, mais elle a ses racines si vives en nous que je ne sais si jamais aucun s'en est peu nettement déchargé. Après que vous avez tout dit et tout cru pour la désavouer, elle produit contre votre discours une inclination si intestine que vous avez peu que tenir à l'encontre, car, comme dit Cicero, ceux-mêmes qui la combattent encore veulent-ils que les livres qu'ils en écrivent portent au front leur nom, et se veulent rendre glorieux de ce qu'ils ont méprisé la gloire. Toute autre chose tombe en commerce. Nous prêtons nos biens et nos vies aux besoins de nos amis, mais de communiquer son honneur et d'être né autrui de sa gloire, il ne se voit guère. Catulus Luctatius, en la guerre contre les Cimbres, ayant fait tous ses efforts pour arrêter ses soldats qui fouillaient devant les ennemis, se mit lui-même entre les fuyards et contrefit le couard, afin qu'ils semblassent plutôt suivre leur capitaine que fuir l'ennemi. C'était abandonner sa réputation pour couvrir la honte d'autrui. Quand Charles V passa en Provence, l'an 1537, on tient que Antoine de Lèves, voyant l'empereur résolu de ce voyage, et l'estimant lui être merveilleusement glorieux, opinait toutefois le contraire et le déconseillait, à cette fin que toute la gloire et honneur de ce conseil en fut attribué à son maître, et qu'il fut dit son bon avis et sa prévoyance avoir été telle que, contre l'opinion de tout, il eût mis à fin une si belle entreprise, qui était l'honorer à ses dépenses. Les ambassadeurs thraciens, consolant Archiléonide, maire de Brasidas, de la mort de son fils, et le haut louant jusqu'à dire qu'il n'avait point laissé sans pareil, elle refusa cette louange privée et particulière pour la rendre au public. « Ne me dites pas cela, » répliqua elle. « Je sais que la ville de Sparte a plusieurs citoyens plus grands et plus vaillants qu'ils n'étaient. » En la bataille de Crécy, le prince de Galles, encore fort jeune, avait l'avant-garde à conduire. Le principal effort de la rencontre fut en cet endroit. Les seigneurs qui l'accompagnaient, se trouvant en dure partie d'armes, mandèrent au roi Édouard de s'approcher pour les secourir. Il s'enquit de l'état de son fils, et lui ayant été répondu qu'il était vivant et à cheval, « Je lui ferai, dit-il, tort de lui aller maintenant dérober l'honneur de la victoire de ce combat qu'il a si longtemps soutenu. Quelque hasard qu'il y ait, elle sera toute sienne, et n'y voulut aller, ni envoyer, sachant, s'il y fût allé, qu'on eût dit que tout était perdu sans son secours, et qu'on lui eût attribué l'avantage de cet exploit. Semper enim quod postremum adiectum est, id rem totam videtur traxisse. Plusieurs estimaient à Rome et se disaient communément que les principaux beaux faits de Scipion étaient en partie dus à Laelius, qui toutefois alla toujours promouvant et secondant la grandeur et gloire de Scipion, sans aucun soin de la sienne. Et Théopompus, roi de Sparte, à celui qui lui disait que la chose publique demeurait sur ses pieds, pour autant qu'il savait bien commander, « C'est plutôt, dit-il, parce que le peuple sait bien obéir. » Comme les femmes qui succédaient aux Pairie avaient, nonobstant leur sexe, droit d'assister et opiner aux causes qui appartiennent à la juridiction des pairs, aussi les pairs ecclésiastiques, nonobstant leur profession, étaient tenus d'assister nos rois en leur guerre, non seulement de leurs amis et serviteurs, mais de leur personne. Aussi l'évêque de Beauvais, se trouvant avec Philippe Auguste en la bataille de Bouvines, participait bien fort courageusement à l'effet, mais il lui semblait ne devoir toucher aux fruits et gloires de cet exercice sanglant et violent. Il mena de sa main plusieurs des ennemis à raison ce jour-là, et les donnait au premier gentilhomme qu'il trouvait, à égosiller ou prendre prisonnier, lui en résignant toute l'exécution. Et le fit ainsi de Guillaume, comte de Salisbury, à messire Jean de Nesle. D'une pareille subtilité de conscience à cet autre, il voulait bien assommer, mais non pas blesser, et pourtant ne combattait que de masse. Quelqu'un, en mes jours, étant reproché par le roi d'avoir mis les mains sur un prêtre, le niait fort et ferme. C'était qu'il l'avait battu et foulé aux pieds. Fin du chapitre 41.